Alors, on continue notre discussion sur la rétroaction. Si tu te souviens de la semaine dernière, on avait vu que le vrai problème, c'est pas que les profs donnent pas assez de commentaires, mais que les élèves savent pas vraiment les utiliser. C'est comme une cascade de compétences qu'on oublie complètement d'enseigner, quoi. Bienvenue à la deuxième partie de ce podcast sur la littératie, à la rétroaction. On vient de voir comment on pose les fondations aux fondamentales. Parlons maintenant du secondaire. Ça se complexifie ? Beaucoup. Au secondaire, les élèves ont les dispositions de base, en théorie. On peut maintenant les outiller pour vraiment agir sur les commentaires. Qu'est-ce que tu veux dire par outiller ? Enseigner des techniques concrètes. Par exemple, comment décoder un commentaire sibyllin d'un prof ? Comment faire la différence entre un commentaire sur le fond et un sur la forme ? Comment identifier ce qui est prioritaire quand tu as dit remarque ? Donne-moi un exemple. Un prof écrit « insuffisant ». Manque d'argumentation. Tu enseignes comment à l'élève de traiter ça ? Oui, d'abord, tu lui apprends à se poser des questions. Qu'est-ce que argumentation veut dire exactement ? Où est-ce que c'est insuffisant ? Dans mon intro, dans un paragraphe, partout. Ensuite, il doit transformer ça en action. Au lieu de penser « je dois faire mieux », il pense « je dois ajouter 3 exemples concrets avec explication dans le deuxième paragraphe ». C'est beaucoup plus actionnable comme ça. Beaucoup. Et c'est pas inné. Il y a des élèves qui finissent le secondaire sans savoir faire ça. Pourquoi on n'enseigne pas ça partout ? Parce qu'on pense que c'est du bon sens. On suppose que si on dit « argumente », l'élève sait ce que ça veut dire et sait comment faire. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Et ça crée des inégalités ? Énorme. Les élèves dont les parents ont fait de longues études comprennent souvent implicitement. Les autres restent dans le flou. Donc au secondaire, on enseigne aussi la gestion émotionnelle de la rétroaction. Oui, c'est une compétence clé. Recevoir une critique, ça peut être déstabilisant, surtout à cet âge où l'identité est en construction. Comment on l'enseigne ? La gestion émotionnelle ? En normalisant le fait que la critique s'applique, on dit « c'est normal de se sentir frustré ou vexé ». Ce que tu dois apprendre, c'est à ne pas réagir immédiatement sur cette émotion. Attendre un jour, relire le commentaire avec du recul. C'est une forme de régulation émotionnelle ? Exactement. Et c'est transférable à plein d'autres domaines de la vie. C'est une vraie compétence. À quel point la littératie à la rétroaction affecte vraiment les résultats scolaires ? Beaucoup. Hattie et Timperlé, deux chercheurs majeurs, montrent que la capacité à utiliser la rétroaction détermine largement la réussite scolaire. C'est l'un des facteurs les plus puissants. Donc, si on enseigne bien ça, on pourrait vraiment changer les trajectoires scolaires. Oui. Un élève qui apprend à utiliser la rétroaction progressera plus vite qu'un élève qui ne l'apprend pas, même s'il a les mêmes capacités de base. C'est pas anodin, comme impact. Non, c'est fondamental. Et c'est l'inverse. Une mauvaise littératie à la rétroaction peut bloquer un élève fort. Comment ça ? S'il pense que la critique est une attaque personnelle, qu'il ne peut pas changer, qu'il est trop orgueilleux pour chercher des clarifications, il ne va pas progresser, même si on lui donne les meilleurs commentaires du monde. Donc finalement, c'est une compétence clé pour toute la scolarité ? Pour toute la vie, honnêtement, en université, au travail, partout, il faut pouvoir recevoir et utiliser la rétroaction. Est-ce que c'est trop tard si on commence au secondaire ? Si les enfants ont déjà des mauvaises habitudes ? Ce n'est jamais trop tard, mais c'est plus difficile. Les attitudes négatives sont plus ancrées. C'est pour ça qu'il faut vraiment commencer tôt. Est-ce que tu dirais aux profs qui pensent que c'est pas leur rôle d'enseigner ça ? Que c'est un peu comme avec la lecture et l'écriture. Tu ne dis pas à un prof de maths, ce n'est pas de ton rôle d'enseigner aux élèves à lire. C'est transversal, et c'est trop important pour le laisser au hasard. Est-ce que les profs pourraient commencer à faire demain dans leur classe ? Déjà. Être conscient que les commentaires qu'ils donnent sont reçus différemment par différents élèves. Prendre du temps pour expliquer vraiment ce qu'on attend. Demander aux élèves « Tu comprends ce commentaire ? Est-ce que tu vas faire avec ?» Simplement poser la question ? Oui, ça change tout. Ça force l'élève à activer son cerveau. À voir que la rétroaction, c'est pas passif. Et pour les élèves qui lisent ou écoutent ce podcast, quels conseils ? Apprendre à accueillir la rétroaction avec curiosité plutôt que défense. Se poser la question « qu'est-ce que je peux apprendre de ce commentaire ? Ah, c'est quoi qu'il veut dire par ça ? Mais pourquoi il dit ça ? Est-ce qu'il voit que je ne vois pas ?» C'est une posture de chercheur ? Exactement. Tu ne crois pas ce que dit le prof. Tu enquêtes. Tu cherches à comprendre son point de vue, à vérifier si c'est fondé. Ça va demander un effort conscient? Oui, au début. Mais avec la pratique, ça devient naturel, comme apprendre à rouler à vélo. On revient à la littératie. C'est quelque chose qui s'apprend comme n'importe quelle compétence. Exactement. C'est pas un don, c'est un apprentissage. Et si on le fait consciemment, systématiquement, on peut vraiment changer les choses. Pour conclure, quelle est l'idée principale que tu aimerais que les auditeurs retiennent? Que la rétroaction n'est pas un message qu'on reçoit passivement. C'est un processus actif. Et les élèves doivent apprendre à l'être actif dedans. C'est pas magique, c'est un apprentissage. Merci beaucoup pour cette conversation. Ça a vraiment clarifié les choses. Merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler.